toute ma vie, je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais te servir de toute mon âme. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais te servir de toute mon âme. Emplis-moi de ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Oh yeah, yeah. Je sens ma petitesse au fond de lui, et je manque à exprimer ce qu'il est. Comme le ciel est élevé au-dessus de moi, oh. Ainsi est élevée sa sagesse. Et mon âme admire sa sagesse. Yahweh, écoute ma voix, Éternel, écoute ma voix. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais te servir de tout mon âme. Je vais t'aimer. Je vais te servir de toute mon âme. Emplis-moi de ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Seigneur, je t'ai dédié ces cantiques nouveaux. Vers toi je lève mon âme. Toi j'aime ma confiance. Tu m'as caché sous l'ombre de tes ailes, et aucun mal ne m'atteindra. Seigneur, je te dédie ces cantiques nouveaux. Vers toi je lève mon âme. En toi j'aime ma confiance. Tu m'as caché sous l'ombre de tes ailes, et aucun mal ne m'atteindra. Oh yeah. Je vais t'aimer. Je vais t'aimer mon cœur. Je vais te servir de toute mon âme. Yeah, yeah. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Je vais te servir de toute mon âme. Emplis-moi de ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Je vais t'aimer.